C'est la danse des petits vieux qui dansent autour du violone. C'est la danse des petits vieux qui dansent en se courbant en deux. Ils en oublient leur lumbago et leur vieille douleur dans le dos. Ils oublient que ça leur donne chaud en frappant le sol de leurs sabots. C'est la danse des petits vieux, des petits, vieux. C'est la danse des petits vieux, des petits vieux. C'est la danse des petits vieux qui dansent autour du violone. C'est la danse des petits vieux qui dansent en se courbant en deux. Ils ont sorti de leur armoire leurs beaux costumes de velours noir. Ils ne s'en servent qu'une fois par an, mais ça leur rappelle leurs 20 ans. C'est la danse des petits vieux, des petits, des petits vieux. C'est la danse des petits vieux, des petits, des petits vieux. Mais quand la danse sera finie, ils iront boire un verre d'eau de vie. Et comme ça donne de l'appétit, ils mangeront le jambon du pays. C'est la danse des petits vieux, des petits, des petits vieux. C'est la danse des petits vieux, des petits, des petits vieux. C'est la danse des petits vieux. Yeah.